Ce fut longtemps une question mystérieuse et aussi très polémique. Est-ce que, au premier temps de l'occupation allemande, les communistes français ont réellement pris contact avec les autorités allemandes afin de demander la reparution de l'humanité et, plus généralement, la légalisation du Parti communiste dissous en septembre 1939 par le gouvernement Daladier. Aujourd'hui, on le sait, et les communistes l'ont reconnu, et même ouvert leurs archives, ces contacts ont bien eu lieu, même s'ils n'ont été suivis d'aucun effet. En tout cas, la question était suffisamment embarrassante pour que, pendant de longues années, le PCF ait nié vigoureusement ces faits et imposé le silence. Il était en effet difficile pour le parti des 75 000 fusillés, le chiffre est exagéré mais le sacrifice des communistes est bien réel, de reconnaître que certains de ses dirigeants avaient au cours de l'été 1940 conduit de véritables négociations avec l'occupant. Difficile aussi d'admettre que le parti, fer de lance du combat antifasciste pendant les années 30, était prêt à, sinon collaborer, mais au moins passer sans hésiter sous les fourches caudines de l'ennemi. Pour expliquer ces errements, il faut bien sûr regarder du côté de Moscou qui dirige le Parti communiste français par l'intermédiaire du Comintern, l'International communiste. Moscou où, à la fin août 1939, on a signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne hitlérienne, un pacte assorti de clauses secrètes qui prévoit, entre autres, le dépeçage de la Pologne. Ce spectaculaire rapprochement entre les deux puissances de l'Europe orientale déchire les communistes du monde entier et provoque indirectement la dissolution du Parti français et l'arrestation de ceux de ses dirigeants qui ne sont pas encore passés dans la clandestinité. Mais certains d'entre eux, arrêtés par la police, seront libérés dès le mois de juin à la demande des autorités allemandes. Le commencement d'un coupable engrenage ? Monsieur X revient sur ce dossier sulfureux et ses aspects humains les plus douloureux, mais aussi sur les motivations les plus secrètes des uns et des autres. Une remarque d'abord. Ce qui sous-tend cette affaire, c'est cette question lancinante qui n'a cessé de faire polémique dans les années d'après-guerre. Le PCF, le Parti communiste français, n'a-t-il pas choisi la résistance et l'action armée contre l'occupant que parce que Hitler a décidé d'attaquer l'URSS? Alors, juin 1941. Hein. La fameuse opération Barbarossa, qui pour beaucoup de militants communistes est une sorte de libération. Enfin, les choses sont claires. Ah, il faut le dire, tout de suite, certains communistes n'ont pas attendu Barbarossa. Et en cela, ils ont précédé les directives officielles de la direction du parti. Et sauvé l'honneur de leur parti. Hein. On peut voir les choses comme ça. Alors, revenons en arrière. La signature du pacte germano-soviétique était une surprise pour la plupart des communistes. Désagréable surprise. En effet, et pas seulement pour eux. Nombre de dirigeants du Comintern ont été eux aussi pris au dépourvu par ce brutal retournement de la politique de Staline. Ça explique sans doute pourquoi des leaders communistes européens tels Torres ont été priés de se rendre à Moscou le plus rapidement possible. Torres qui était alors mobilisé et qui a donc dû déserter. Hein. Afin d'obéir aux ordres de Staline, oui. Et vous savez qu'il passera le temps de la guerre en URSS. Et que son retour en France fera l'objet d'une sorte de marchandage hein, entre le général de Gaulle et Staline. Le calme en France contre l'absence de poursuites contre Torres. C'est en effet vraisemblablement ce qui s'est passé. Et effectivement, jusqu'en 1947, le Parti communiste français s'abstiendra de créer des ennuis au gouvernement. Pour être tout à fait juste, il faut quand même dire que Torres n'a pas déserté de gaieté de cœur. Hein. C'est juste. Il aurait même hésité un bon moment. Enfin, revenons en arrière. L'une des principales conséquences du pacte germano-soviétique, c'est qu'il est aussi demandé au Parti communiste de modérer leur critique de l'Allemagne hitlérienne. Et là aussi, certains ont grincé des dents. Parce que c'était en contradiction avec leurs idéaux et avec toute la politique qu'ils avaient défendue pendant des années. Ouais, l'antifascisme. Ouais. Bien entendu. Et pour certains militants, et aussi ce qu'on appelle les compagnons de route, il s'agit, enfin n'ayons pas peur des mots, d'une véritable trahison. La trahison de Staline. C'est ça. Le PCF est alors en plein désarroi. Et à cela s'ajoute la politique répressive entreprise par le gouvernement d'Édouard Daladier. Et pourtant, l'ancien allié du Front populaire. Oui, et on l'oublie trop souvent, il n'y a pas eu d'élection législative depuis 1936. C'est donc un gouvernement investi par la chambre du Front populaire qui va bannir l'allié d'hier, le Parti communiste. Et qui, un peu plus tard, accordera une très large majorité les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Alors, cette politique répressive. Dès la fin août 1939, c'est-à-dire avant la déclaration de guerre du 3 septembre, Daladier fait saisir la presse communiste puis décrète son interdiction. Pourtant, le PCF n'a pas encore officiellement changé de ligne et a même voté les crédits de guerre. Ce n'est qu'après la mi-septembre qu'il cessera d'appeler à la défense du pays pour réclamer la paix. Un alignement sur Moscou. C'est évident. Ouais. Moscou qui prétend désormais que le conflit est impérialiste. La guerre a été provoquée par la bourgeoisie de tous les pays belligérants. Par conséquent, la classe ouvrière et ses représentants communistes doivent se désolidariser. Et tout à fait clairement, le Comintern accuse la France et la Grande-Bretagne, puissance impérialiste, d'être les véritables fauteurs de guerre. Alors même que l'Allemagne et l'URSS sont en train de se partager la Pologne. Hein. C'est malheureusement la vérité, oui. Et chez nous, le gouvernement tire immédiatement les conséquences du changement de ligne communiste. Fin septembre, le Parti communiste français et toutes les organisations qui lui sont affiliées sont dissous. Ouais. Le parti est donc contraint à la clandestinité. Et aussitôt, des députés communistes sont arrêtés, tandis que de nombreux militants vont être interpellés et internés dans des camps. Daladier justifie alors sa décision en affirmant qu'il s'agit de punir le parti communiste coupable de maintenir son alliance avec Staline. Staline qui a renversé ses alliances et qui est donc le vrai responsable de l'ouverture des hostilités. Ouais, en signant le pacte germano-soviétique. Alors, la chasse aux communistes va donc s'amplifier. Naturellement. Il y a la publication d'un décret autorisant l'internement de tous les individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique. Et les communistes, donc. Il se crée même une brigade spéciale de répression anticommuniste au sein des renseignements généraux. Un groupe policier précurseur de celui qui sévira plus tard sous l'occupation. Puis alors que la Chambre des députés vote en janvier la déchéance des parlementaires communistes, en mars, on juge à huis clos les députés arrêtés fin septembre. Accusés de reconstitution de partis politiques interdits, ils sont condamnés à des peines de 2 à 5 ans de prison. Lourd, hein ? En même temps, la répression s'accroît. Les perquisitions se comptent par milliers, les arrestations aussi. Il y aura même des condamnations à mort. En effet, un décret d'avril 1940 assimile désormais l'activité communiste à un acte de trahison passible de peine de mort. Alors on peut se poser la question, là. Le parti communiste existe-t-il encore ? Thorez exilé, les autres dirigeants contraints à se cacher ou à se replier en Belgique, il est vrai que l'organisation communiste est moribonde et c'est tant bien que mal de survivre. Et ici, il faut souligner que les militantes féminines jouent un grand rôle. En particulier celles, telles Danielle Casanova, qui sont issues de l'Union des jeunes filles de France. Ce sont elles, en particulier, qui entretiennent la flamme et remplacent au pied levé les dirigeants qui ont dû fuir ou se cacher. Pourtant, il n'y a plus d'organisation en tant que telle. Hein. Certes, les structures traditionnelles, à commencer par les cellules, n'existent plus. Mais à leur place, les militants organisent, quand ils le peuvent, des groupes de 3. Ça, c'est le principe de base d'une organisation clandestine. C'est exact. Et effectivement, les communistes vont aussi créer l'OS, l'Organisation Spéciale. Une structure clandestine chargée de colmater les brèches, d'assurer la sécurité des militants et d'où sortiront plus tard les premiers résistants communistes. Mais on n'en est pas encore là. Et pour l'instant, c'est plutôt la confusion qui règne. C'est d'autant plus vrai que beaucoup de militants prestigieux font défection ou, à défaut de rompre officiellement, se mettent à l'écart. On observe, par exemple, que 23 députés sur un groupe qui en comptait 72 choisissent de quitter le parti. Pourtant, vaille que vaille, les communistes essaient de publier une humanité dorénavant clandestine. Et qui doit avoir peu d'influence, alors. Et dont la parution est souvent incertaine. Il convient toutefois de signaler le numéro 47, paru le 17 mai 1940. C'est-à-dire après le début de l'invasion allemande. Hein. 3 jours après, oui. Ouais. Et déjà, on y découvre toute l'ambiguïté de la position des communistes et des démarches qu'ils vont bientôt conduire. Auprès des autorités allemandes. Bien sûr. Enfin, n'allons pas trop vite. Alors, que lit-on dans ce numéro de l'UMA clandestine ? Je résume. L'article principal qui porte en titre « Pour sauver notre peuple de la misère, de la ruine et de la mort ». D'abord, ses rédacteurs proclament que seul de tous les partis, le Parti communiste a multiplié les efforts pour éviter ces fléaux à notre pays et à l'humanité. Et tout de suite après, ils écrivent qu'aidés par la trahison des chefs socialistes, les capitalistes se sont acharnés contre le Front populaire et ont préparé la guerre. Ouais. Mais pas un mot contre l'envahisseur. Rien, non. Et toujours dans ce texte, le PCF appelle à la constitution d'un gouvernement de paix qui le légaliserait, autoriserait la reparution de l'humanité, libérerait les prisonniers politiques et permettrait le retour des élus communistes dans leur mairie. Mmh. En tout cas, cet article, alors que les panzers allemands ont commencé à déferler sur la France, paraît assez, irréaliste. Surréaliste, vous voulez dire. Mais c'est la conséquence de ce grand écart qui a été imposé au parti par Staline. Cependant, et je vous l'ai déjà laissé entendre, certains, et pas des moindres, ne vont pas tarder à ruer dans les brancards. Avec X, deux historiens, Jean-Pierre Besse et Claude Pentier, ont retrouvé récemment dans les archives de Paris des documents essentiels sur ce qu'ils ont appelé la négociation secrète. En préambule de leur livre paru aux éditions de l'Atelier, ils écrivent ceci. Le Parti communiste est, en raison des conditions de sa naissance, à l'intersection de deux ensembles, le mouvement ouvrier français révolutionnaire et le mouvement communiste international. En 1920-1921, le recouvrement est complet tant les aspirations mutuelles conduisent à un dépassement du socialisme français. À la fin de la décennie, la stalinisation du Parti communiste d'Union soviétique, le cours irréaliste et sectaire impulsé par l'international, contribue à l'affaiblissement spectaculaire du Parti communiste français. Le Front populaire permet de rapprocher les deux ensembles, la volonté de l'URSS de nouer des alliances avec les démocraties d'Europe de l'Ouest pour faire face à la menace nazie, rejoint les aspirations à l'unité et au retour à certaines valeurs républicaines dans les rangs communistes français. La période qui s'ouvre avec le pacte germano-soviétique en août 1939 et qui s'achève avec l'attaque allemande contre l'URSS en juin 1941 constitue un cas limite de distorsion entre les intérêts du mouvement ouvrier français et ceux de l'État soviétique. L'intersection des deux ensembles n'est plus représentée que par une mince phalange de cadres totalement acquises à la défense de l'URSS d'une fidélité à toute épreuve. Et nos deux auteurs de se demander jusqu'où iront ces cadres pour défendre les thèses de la guerre impérialiste et la nécessité d'un compromis avec le vainqueur incontesté de la guerre vers l'Ouest, c'est-à-dire l'Allemagne hitlérienne. Charles Tillon, futur chef des FTP, est l'un de ces communistes qui n'acceptent pas la ligne officielle de son parti. Envoyé à Bordeaux, où il est investi de responsabilités interrégionales et jouit d'une certaine autonomie, il est consterné par l'appel de Pétain qui appelle le 17 juin à la cessation des combats. Et le même jour, il rédige un tract important qui, tout en réclamant la légalisation du parti, appelle tous les Français à s'unir dans l'action contre le fascisme hitlérien. C'est donc, en fait, l'un des premiers appels à la résistance. Incontestablement. En tout cas, la position de Tillon est en parfaite contradiction avec la ligne du parti, inspirée bien sûr par Moscou, et telle qu'elle va être défendue par trois communistes éminents. Jacques Duclos, d'abord, réfugié à Bruxelles. Il revient à Paris à la mi-juin 40. Il est accompagné par le représentant du Comintern pour l'Europe de l'Ouest, Eugène Fried. L'homme dont vous avez dit qu'il était le mentor de Thorez. Mais même le dirigeant officieux du Parti communiste. Et puis avec les deux premiers, il y a un troisième homme, Maurice Tréhan, qui occupe une place privilégiée dans l'organigramme du parti, puisqu'il préside la fameuse commission des cadres, une institution communiste toute puissante. Alors avec ce trio, le parti a donc de nouveau une tête. Et une ligne relativement claire, puisque malgré les difficultés de communication avec Moscou, ces trois hommes ont reçu des consignes très précises. Un mot auparavant, là, ces communications, comment se faisaient-elles? Les dirigeants français disposaient de postes émetteurs, mais il n'était pas toujours aisé de les utiliser et de veiller à leur bon fonctionnement. Et puis il y avait aussi les télégrammes chiffrés, et enfin l'envoi, quand c'était possible, d'émissaires qui allaient quémander les ordres de Moscou. Mais tout cela est assez aléatoire, et nous allons le voir. Parfois, les messages du Comintern arrivaient avec beaucoup de retard, et ça peut expliquer, sinon justifier, quelques dérapages. Alors, quelles étaient les consignes là, que Duclos et les deux autres devaient appliquer? Oh, c'était très clair, du point de vue de l'international communiste du moins. Auparavant, je dois vous rappeler que la France vit alors l'une de ses périodes les plus difficiles. Fuyant l'ennemi, le gouvernement s'est replié à Bordeaux. C'est là, à la suite de manœuvres douteuses, que le président du Conseil, Paul Reynaud, démissionne et qu'il est remplacé par Pétain. Non mais n'ayez pas peur de moi, un jour on m'avait dit qu'il s'agissait d'un complot. Ah, je le pense toujours. Mais tel n'est pas mon propos aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe alors un véritable chaos politique. Les Allemands sont à Paris, des millions de Français ont pris les chemins embouteillés de l'Exode, et puis il y a ce million et demi de prisonniers, sans compter qu'il n'existe plus d'administration ni de force de sécurité. Le vide, donc. Et un vide qui doit favoriser les desseins des communistes. C'est-à-dire... Les élus doivent en profiter pour regagner leur mairie, et de façon générale, les militants, les permanents, les responsables sont appelés à sortir de leur planque. Et à ressortir au grand jour. Oui. Et puis, bien entendu, il faut réactiver la propagande. Journaux, tracts, affiches, etc. Mais ça ne semble pas très raisonnable. Une bonne moitié du pays est occupée. Alors justement, il faut faire en sorte de ne pas s'en prendre directement aux Allemands. C'est quand même pas la fraternisation. Mais... Non, mais la consigne élaborée à Moscou précise qu'il ne faut surtout pas provoquer les autorités hitlériennes. Pour une bonne raison. Ce que craint par-dessus tout Staline, c'est que le Troisième Reich ne se retourne prématurément vers l'URSS. Ouais, alors si je comprends bien, pour préserver l'Union soviétique, il faut faire semblant d'accepter la présence de l'occupant. C'est la vérité, aussi cynique qu'elle apparaisse. Mmh. Et même immorale. Bon, ça c'est votre point de vue, mais enfin je vous rassure, il est alors partagé par pas mal de militants communistes qui sont complètement déboussolés. Je vous ai déjà parlé de Tillon. Mmh. Mais un autre dirigeant très influent, Gabriel Péri, est sur la même ligne. Et il le fera savoir. Toutefois, je reviendrai sur le cas Péri, car il existe toujours un mystère à propos de sa fin. Oui, les conditions de son arrestation. Oui, je vous expliquerai. En attendant, voyons ce qui se passe tout de suite après le retour à Paris de Duclos et de Tréhant. Oui, aussi, il parlait de Fried. Mais ce dernier ne tardera pas à retourner à Bruxelles tout en gardant naturellement un œil sur les négociations qui vont s'engager à Paris. Négociations entre les Allemands et les dirigeants communistes. Et ça commence très tôt, dès le 17 juin 1940. Ça, c'est le jour où Pétain... annonce à la radio qu'il faut cesser le combat. Hein. Alors concrètement, que se passe-t-il? Bon, ça commence par des contacts entre avocats. D'un côté, il y a Maître Picard, un proche d'Otto Abetz. Oui, Abetz qui sera bientôt l'ambassadeur du Troisième Reich en France. Hein. C'est exact. Un homme qui connaît très bien la France, puisqu'il y a déjà représenté son pays avant la déclaration de guerre. Mais c'est une parenthèse. Il a alors été le chef d'orchestre de la propagande nazie dans notre pays. L'homme de la cinquième colonne. Oui. L'autre avocat, c'est Maître Foissin, un communiste, qui a souvent en charge les intérêts de l'ambassade soviétique à Paris. Les deux avocats se seraient rencontrés par hasard au palais de justice. Ouais, mais comme vous croyez rarement au hasard. Vous me connaissez bien. Alors oui, ce hasard-là me paraît cousu de fil blanc. Quoi qu'il en soit, Maître Picard demande à son confrère si le Parti communiste a décidé de faire reparaître l'humanité. La question n'est pas innocente. Et ce qui suit ne l'est pas non plus. Picard propose de jouer les intermédiaires. C'est-à-dire entre le Parti et les autorités allemandes. Exactement. Ouais. Et Picard d'ajouter qu'à son avis, cette reparution serait parfaitement envisageable. Les Allemands n'ont-ils pas déjà autorisé la presse communiste belge à reparaître? Et j'imagine là que l'avocat de l'ambassade soviétique transmettre aussitôt l'information aux dirigeants communistes français. Ah, Maurice Tréhant, qui est l'homme pivot de cette affaire. C'est d'ailleurs le seul communiste à avoir le contact avec Duclos, qui se cache. Duclos, qui en l'absence de Thorez, est alors le vrai patron du parti, ou de ce qu'il en reste. Dans la zone occupée, oui. Mmh. Parce qu'en zone libre se trouve Benoît Frachon. Cependant, il n'y a pas alors de lien entre ces deux têtes du parti, mais je poursuis. Mmh. Tréhant, aussitôt informé de la rencontre entre les deux avocats, provoque dès le lendemain une réunion des quelques responsables communistes parisiens qu'il a pu rassembler. Il n'y a pas unanimité, mais Tréhant impose son point de vue. Il affirme que la consigne de l'Internationale communiste est impérative. Il faut tenter une démarche auprès des Allemands afin d'obtenir la reparution de l'humanité. Et les autres s'inclinent? Forcément. À noter que Gabriel Péri a refusé de participer à cette réunion. Oui, parce qu'il connaissait les sujets qui seraient débattus. Vraisemblablement. Mmh. Il ne voulait rien avoir à faire avec cette affaire malodorante. Il n'empêche que c'est Tréhant qui l'a emporté. Et derrière lui, il y a l'ombre de Jacques Duclos. Car c'est lui qui tire les ficelles, avec l'assentiment de Moscou. Et ce même jour, le 18 juin, alors qu'à Londres, un obscur général lance l'appel que vous savez, une émissaire communiste prend un premier contact à la commandantour avec un officier de la propaganda Staffel. Qui était Maurice Tréhant, l'homme qui semble avoir eu l'un des premiers rôles dans ces négociations secrètes entre le PC et les autorités allemandes? Je me suis reporté au quatrième tome de l'histoire intérieure du PCF de l'historien Philippe Rebrieux. Fils de paysan franc-comtois, garçon de café puis dépitant de boissons, il adhère tout jeune à la jeunesse socialiste à Besançon. secrétaire des jeunesses communistes de Besançon en 1923, arrêté le 8 novembre dans cette même ville pour propagande antimilitariste et condamné à 6 mois de prison, gérant l'année suivante des hebdomadaires du parti de la région byzantine, il est d'ores et déjà un militant des plus actifs et s'occupe alors de mettre sur pied les cellules d'usine dans la région de Besançon. Condamné encore en novembre 1927 pour violence à 1 mois de prison, puis en janvier 1928 à 8 mois de prison pour provocation de militaires à la désobéissance, il est, l'année suivante, secrétaire régional des jeunesses communistes. Appelé à Paris en 1930, il est appréhendé à la suite de heurts survenus au cours d'une réunion. En URSS, au tout début des années 30, il aurait suivi les cours d'une école secrète spécialisée dans le contre-espionnage près de Moscou. Revenu en France pour prendre la direction de l'appareil clandestin, il devient ensuite rapidement le responsable au cadre, alors qu'il continuait officiellement à gérer une succursale du restaurant La Famille Nouvelle, boulevard de la Villette. Envoyé en mission en Espagne, puis à Moscou, il est élu membre suppléant du comité central du parti. Associé au travail de France Navigation, il a pu alors céder sa place de dirigeant du travail quotidien des cadres, mais demeure responsable de la commission des cadres, puis de la commission centrale de contrôle politique, et le restera jusqu'au début de la guerre, comme il restera jusqu'à cette date le véritable pivot de l'appareil clandestin. Un dernier mot avant de retrouver M. X. À cause de sa corpulence, ce dirigeant expérimenté sera souvent appelé le Gros, un sobriquet qui deviendra aussi son pseudonyme dans l'action clandestine. Qui est cette communiste qui va prendre contact avec les Allemands? Elle s'appelle Denise Ginolin. Elle est députée et elle fait partie de ces jeunes femmes courageuses qui essaient de suppléer tant bien que mal l'absence des responsables. Pour le reste, si elle accepte de prendre langue avec les Allemands, c'est par patriotisme de parti. Oui, parce que Tréant lui a demandé. Parfaitement. Hein. Et ce premier contact, alors? Il est plutôt positif. D'ailleurs, il est suivi d'une autre rencontre dès le lendemain. Et l'officier qui reçoit Denise Ginolin donne son accord à la reparution de l'humanité, à condition que le journal soit soumis à la censure allemande. Et là, il se passe un événement très curieux. Je vous écoute. Eh bien, la jeune femme sort de son sac une épreuve d'un numéro de l'Humanité prévu pour être distribué le 21 juin. Un numéro clandestin, donc. Mais qui ne demande qu'à devenir légal si l'officier allemand autorise sa parution. Ah oui, oui. Car ce n'est pas n'importe quel numéro. Il porte en manchette le fameux mot d'ordre marxiste. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, en français et en allemand. Ah oui, en allemand. D'autre part, un article dénonce très violemment les responsables français de la défaite. Et parmi ceux-ci, Blum, en premier. Blum, la tête de Turc des communistes de l'époque. Ouais, juif, hein. Ça ne peut pas déplaire à l'allemand. Bien entendu. Par contre, un autre papier le fait tiquer. C'est un éloge vibrant de Staline. Et malgré l'existence du pacte germano-soviétique, l'officier allemand fait la moue. Il est prêt à autoriser un journal d'information, pas un journal de propagande. Denise Ginolin est donc invitée à revoir sa copine. En effet. Ouais. Cependant, on lui laisse espérer une rencontre prochaine avec Abetz en personne. Mais le lendemain, un événement inattendu survient. Tréant, Denise et une autre militante sont arrêtées par la police française. Police française. Alors que s'est-il passé? À mon avis, le préfet de police qui est à l'origine de l'arrestation a dû bénéficier d'une fuite. Fuite du côté des Allemands? Je le crois, oui. Et pour des raisons évidentes, il a voulu tuer dans l'œuf cette tentative de faire reparaître l'humanité. Mais il y a plus grave. Les policiers saisissent sur Denise Ginolin la maquette de ce numéro qui devait paraître avec l'autorisation allemande. Mais ils mettent aussi la main sur un paquet de notes très embarrassantes. De quoi s'agit-il, hein? Une sorte d'aide-mémoire, des notes prises au jour le jour pour définir l'action du Parti communiste français et donner matière à la rédaction d'articles. Elles ont été jetées par écrit sous la dictée par Denise Ginolin, mais il y a aussi des textes écrits de la main de Jacques Duclos. Ouais, le vrai patron, alors. Qui lit-on? C'est un véritable tir de barrage contre les derniers dirigeants de la Troisième République. Allez, encore Blum, pas. Mais aussi des attaques virulentes contre Georges Mandel, l'ancien collaborateur de Clémenceau, plusieurs fois ministre. Mandel, qui n'est désigné que par l'expression le juif Mandel. Ah oui, ça c'est une manifestation claire d'antisémitisme. Pas évident, non? Et d'ailleurs, les Allemands ne vont pas s'y tromper. L'un des leurs, un expert, le professeur Grimm, rédigera un rapport à destination des autorités supérieures de la Wehrmacht. Parce qu'il a eu connaissance de ces papiers. La police française ne pouvait guère avoir de secret pour les Allemands, comme elle ne pouvait guère les contrarier trop longtemps. Alors ce rapport-là, Grimm explique que les communistes français sont en train de devenir antisémites et anti-marxistes. Anti-marxistes, ça j'ai des doutes. Vous avez raison. En tout cas, il suggère qu'il faut gagner les communistes à la cause hitlérienne. Mais ça aussi, ça me paraît peu crédible. Hein. Quoi qu'il en soit, esquisse ou pas de cette tentative de récupération, Tréhant et les deux femmes sont très vite relâchées. Bah, sur injonction de l'occupant. Évidemment. Et aussitôt, Tréhant reprend les choses en main et se rend chez Otto Abetz. De nouvelles négociations, là ? Oui. Et Abetz, tout comme ce professeur Grimm, voit loin. Pour lui, l'instrumentalisation du Parti communiste français peut permettre aux nazis de pénétrer ces classes populaires qui leur sont hostiles, quitte plus tard à sévir et à décapiter le parti. Par conséquent, pour le moment, il faut donner des gages aux communistes. Et c'est ainsi que des militants sont libérés. Mais le coup d'arrêt va être aussi brutal que soudain. Et ce coup vient d'où ? Chronologiquement, il semble bien que ce soit Moscou qui ait sifflé la fin de la partie en interdisant la poursuite des tractations. Mais à cause des difficultés de communication, cet ordre ne parvient à Duclos qu'au cours du mois d'août 1940. Et parallèlement, Hitler désavoue la politique d'Otto Abetz. Alors, il en est fini, là, de cette tentative de débauchage. Hitler préfère entamer une large collaboration avec les autorités de Vichy, car le vieux maréchal ne pouvait accepter la légalisation du Parti communiste. Oh, Pétain, pourtant, avalait bien d'autres couleurs, hein, et sans haut le cœur. Oui, je suis d'accord. Alors, les conséquences ? Eh bien, la première est dramatique. De nombreux militants ont cru sincèrement qu'ils pouvaient réapparaître au grand jour. Et dès l'automne, ils vont être raflés par la police. La police française ? Oui. Et ils iront rejoindre dans des camps comme celui de Châteaubriant leurs camarades déjà arrêtés avant la drôle de guerre. Autant d'hommes qui serviront plus tard d'otages aux Allemands. Mais qui seront fusillés. Malheureusement. Deuxième conséquence. Il faut effacer au plus vite la tâche honteuse de la négociation avec les autorités allemandes. Et il faut tout faire pour en nier l'existence. Ou au moins désigner quelques hommes qui seront jugés comme seuls responsables de cette faute. Et naturellement, Maurice Tréhant est un bouc émissaire idéal. Alors que, avez-vous dit, au fond, il ne faisait que suivre les directives de Jacques Duclos. Hein. Mais ce que ce dernier ne reconnaîtra jamais. Et pour sa défense, il se référera à ce qui reste dans l'histoire du parti comme l'appel du 10 juillet 40, un texte signé par Thorez et Duclos. Mais qu'y a-t-il dans ce texte-là ? Oh, il n'était pas grand-chose, sinon, comme d'habitude, les accusations contre les gouvernements de la Troisième République et les forbans de Vichy. On y lit aussi la justification du pacte germano-soviétique. Mais à part le fait que les auteurs de cette déclaration exigent que la France trahie doit recouvrer son indépendance, il n'y a aucun appel à lutter contre l'occupant. Et puis, il faut remarquer qu'on ne trouvera aucune mention de ce texte dans l'Humanité clandestine. Toutefois, après la guerre, le Parti communiste prétendra qu'il s'agissait d'un appel à la résistance. Ça, c'est une sorte de falsification. Mais heureusement, d'autres sauveront l'honneur. Je vous ai déjà parlé de Charles Tillon. Mais beaucoup de jeunes n'attendront pas les consignes du parti et l'entrée en guerre de l'URSS pour manifester contre les Allemands et commencer à s'organiser. Ouais. Et Tréhant lui-même, alors ? Sur ordre de Moscou, il est vite mis à l'écart et disparaît de la vie du parti, tout comme l'avocat communiste Froissin qui avait permis les premiers contacts avec Abetz. Ouais. Il y a donc là une volonté d'enterrer cette affaire. Et j'en viens au cas de Gabriel Péri. Mmh. Ce jeune dirigeant et journaliste du parti est l'un des seuls responsables présents à Paris lorsque les Allemands envahissent la capitale. Il a déjà très mal vécu la signature du pacte germano-soviétique et il désavoue tout de suite les tentatives de faire reparaître l'humanité. Il s'en explique assez violemment avec Tréhant et sans doute aussi avec Duclos. Et c'est donc un témoin gênant ? Bon, écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais ce qui est certain, c'est que Péri va être trahi par un militant communiste, un proche de Tréhant, qui donne l'adresse de sa planque à la police. Ouais. Vraiment clair, là, la question est donc celle-ci. Péri a-t-il été trahi sur ordre ? C'est en effet très troublant. La suite, vous la connaissez, emprisonné par les Allemands, Péri fait ensuite partie des 92 otages qui seront fusillés fin 41 au Mont-Valérien. Une réponse aux attentats individuels perpétrés par des résistants communistes. Mais vous ne m'avez pas répondu franchement sur cette question de trahison. C'est vrai. Péri savait beaucoup de choses. Mais le premier à faire disparaître n'aurait-il pas dû être Tréhant? Or, le parti s'est contenté de le condamner à l'oubli, au remords. Mais Perry, c'est vrai, était un personnage autrement emblématique. Monsieur X a évoqué l'antisémitisme qui affleurait dans les notes trouvées sur la députée Denise Ginelin. Mais auparavant, dans un texte daté de février 1940 et publié dans la revue de l'Internationale communiste sous la signature de Thorez, on lit déjà ceci. Léon Blum doit être hanté par les spectres de ses innombrables victimes, comme Lady Macbeth, il doit voir avec terreur le sang innocent qui tache à jamais ses mains aux doigts longs et crochus. À qui ? L'auxiliaire de la police, le mouchard Blum, fera-t-il croire que la France est encore une terre de liberté lorsque 10 000 travailleurs sont emprisonnés ou internés dans les camps, lorsque les réfugiés espagnols et les volontaires des brigades internationales souffrent eux aussi dans les camps? Enfin, là où Blum se surpasse lui-même en canaillerie, c'est lorsqu'il s'en prend à l'Union soviétique, au parti bolchevique, à Staline, ce géant de la pensée et de l'action révolutionnaire. Blum trahit la rage dépitée des provocateurs de guerre qui n'ont pas réussi à entraîner l'Union soviétique dans un conflit sanglant, dont elle eût supporté seule tout le poids. L'histoire du mouvement ouvrier international est riche en figures magnifiques de lutteurs révolutionnaires, de combattants courageux et fermes, mais elle connaît aussi des traîtres méprisés et honnis par tous les travailleurs. Aussi la classe ouvrière ne peut manquer de clouer ce monstre moral et politique au pilori d'infamie. Elle ne peut manquer de rejeter, avec horreur et dégoût, Blum le bourgeois, Blum la non-intervention, Blum la pose, Blum l'assassin de Clichy, Blum le policier, Blum la guerre. C'est une condition de la lutte victorieuse pour la paix, pour le socialisme. Enfin, je vous rappelle le livre de Jean-Pierre Bess et Claude Pentier, Juin 40, La négociation secrète, un ouvrage qui fourmille d'informations inédites sur cette affaire.